aussi dans la musique. Je me présente, moi c'est Miguel. On m'appelle pour faire le ménage, chaque album est single. Les MC sont verts de rage quand je l'ouvre, ma gueule. Mon encre sur mes pages transforme en rage que je dégueule. Les gens ne comprennent pas la profondeur de notre art. Peut-être que sans les rappeurs qui en cachent la beauté, tu noteras que rien ne va plus, mais les choses changeront dès notre art. Rivez les rimes, sa mort, c'est prêt à tout faire sauter. Le sommet est accessible pour le rap et ses disciples. Seulement ses rêves se dissipent devant les textes insipides de la majorité des MC. Ainsi, son ambition se brise ici aussi. Leurs idioties m'inspirent un dégoût indicible. Lyrics vidés de sens, à moins que celui-ci soit invisible. Miguel, aucun vécu, mais un vaincu, car un assis. Imbécile, t'es trop imprécis pour que tu me touches, reste impassible. Impulsif, sans périm, ainsi me battre est impossible. Pas un élève dissipé, moi je fais preuve de discipline. Et je respecte le rap, c'est mon art, ma discipline. Les règles sont très précises, mais aujourd'hui très peu cibles. Bien que celle-ci se soit assoupie, je vous en supplie, arrête ton supplice. Ces MC seront mes cibles, car ce qu'ils font n'est pas admissible. C'est cette dès que je le décide, mon stylo lance les missiles. Le signe de l'infini est un des cycles que je dessine sur la lettre missive, signe l'accomplissement de ma mission. Je lève le poing, prêt à me battre, révolution. Dans le rap, Super Mugen, on m'appelle pour remettre de l'ordre. Tu n'es point prêt à m'abattre, révolution. Dans le rap, Super Mugen, that's my name. Mon son, c'est de l'or. Super Mugen, Super Mugen. Les MC talentueux, crois-moi ce monde en compte très peu. Complet, sur les doigts d'une main, je me situe à celui d'honneur. Numéro 3 et je t'emmerde, où je te pointe. Numéro 2, numéro 1, je baisse mon pouce face au MC, je suis un donneur. Le son et le sang coule comme le son et c'est cool comme ça. Après tout, il faut bien que quelqu'un fasse le ménage. Et je ne ménagerai pas ceux qui n'activent pas leur ménage. Je serai sévère, prendrai le son de leur cri comme sang. Respecte Miguel, moi Superman, Samouraï, Amiral, Général, Caporal. Mon art est un moral, je leur fais super mal. J'enfile ma pute. C'est une tenue de combat. Et je défends mon rap, quoi qu'on puisse en penser. Je suis vrai et le vrai pleura et récompensé. Mon sacre de guerrier a été célébré. Mec, essaye pas de briser les os d'un inverse de bruit. Je lève le poing, prêt à me battre, révolution. Dans le rap, Super Mugen, on m'appelle pour remettre de l'ordre. Tu n'es point prêt à m'abattre, révolution. Dans le rap, Super Mugen, that's my name. Mon son c'est de l'or. Je lève le poing, prêt à me battre, révolution. Dans le rap, Super Mugen, on m'appelle pour remettre de l'or. Tu n'es point prêt à m'abattre, révolution. Dans le rap, Super Mugen, that's my name. Mon son c'est de l'or. Yeah, yeah. S-U-P-E-R, M-U-G-E-N, M-U-G-E-N. Super héros du rap, super héros du rap. J'enfile ma putain de tenue de combat. Et je défends mon rap, quoi que puisse en penser. Je suis vrai et le vrai pleura et récompensé. Pendant que tu noircis des pages de manière irréfléchie. La renom duquel tu rappes, lui défléchis. Vers une putain de casse, un pis et cliché. Et notre art fléchit, notre art tué son ennemi en rappant son nom. En rappant son nom. Donc le cycle de l'infini s'affiche dans le ciel. S'affiche dans le ciel. Et je débarque, my man, c'est MGL. C'est MGL. Le son, la samouraï.